Ah voilà, génial. Oh punaise. Ah voilà, ça aussi, ça. C'est bien comme papier peint. Hein. Ça c'est génial, ça c'est chez moi. Viens me chiner. Ah mais voilà. Oh, oh la vache. Oh, oh punaise. C'est ouvert. C'est beau, hein? Oh, oh la vache! Faut que je prenne des photos. J'ai jamais retourné. Punaise! C'est merveilleux! C'est beau, c'est magnifique. C'est triste aussi. En fonction d'un petit buteur, comme c'est chic, c'est le grand chic. Et nous, on a vécu là. Bon, c'était plus propre. Donc, je pensais que vous étiez logé là, mais cet appartement, en fait, ils n'ont jamais refait. Pas jamais refait, si, ils l'ont refait parce que. Alors, ça, c'est d'époque. Celui-là, ouais, ok. Là, non. Là, c'est hyper moderne. Ça aussi, c'est moderne. Ça, pareil. Et puis, ici, cette grande pièce, c'était le salon. Voilà le salon. Je pensais que vous dormiez là. Salon, salle à manger. Donc, c'est grand, hein? Bon, la vue est jolie, hein? Ici, une chambre. Belle chambre, d'ailleurs, avec deux lits. Très chic, un peu décalé. Très beau. Après celle est grande, hein, elle est belle. Bon, papier peint était plus coquet. Je ne suis pas restée longtemps. Hein. La chambre des parents. Un grand luxe également. De belles, comment on dit ça, de belles proportions. De beaux volumes, n'est-ce pas? Alors ça, c'est nouveau. C'est quelque chose de très moderne qui n'existait pas. Tout me paraît tout petit. Ça nous paraissait grand puisqu'on était petit. Très grand. On était dans une grande liberté. Très grand. grande liberté. Les parents ne s'occupaient pas de nous. On est libre quand on est dans à la campagne. J'aimerais bien aller dans les salles de classe. Alors, le grand jeu, c'est de descendre comme ça, avec des fourchons sur la fin, jusqu'en bas. Ça, c'est d'époque aussi. Et là, il y avait une grande collection de porte-clés magnifiques. Puis là, il y a les salles de classe. Mais ça, c'est vous voulez, vous voulez de charbon. Vous nous envoyez chercher le charbon. Dans des seaux. C'était très vivant. Il y avait aussi mes parents faisaient adhérer à un réseau de cinéma itinérant. Donc il y avait du cinéma à l'école aussi, des séances pour le village. Donc il y avait vraiment beaucoup de monde. On installait la salle, dans les salles de classe, on virait tout, on installait les chaises, tout ça, l'écran et tout. Et puis il y avait un appareil heurtier avec le bruit et tout. C'était beau.